La main cachée de Léon Gozlan. L'hiver dernier, je me rendais chaque vendredi soir au fond du Marais à une réunion que présidait avec une grâce parfaite une dame d'ancienne famille appartenant à la robe. J'avais plus consulté mes goûts et mes habitudes tranquilles que mon âge en demandant la faveur d'être introduit au milieu des esprits graves, des caractères solennels dont se composait cette société. On y voyait peu de jeunes gens du monde, rarement des femmes qui n'eussent accompli leurs 40 ans. Si le hasard en fourvoyait d'une date moins certaine, elles ne revenaient pas deux fois. Le souvenir leur restait des longues bougies jaunes qui répandaient une lueur jaune sur des figures jaunes, des fauteuils rouges au fond desquels se dessinaient en relief, brodés, fil noir sur fil blanc, deux mains de justice, de la tapisserie d'Aubusson, vert pomme, où l'on distinguait, divisé par panneaux blafards, le fameux duel du baron de Bouteville avec le marquis de Beuvron au milieu de la place royale, représenté au naturel. Plus loin, on voyait le baron de Bouteville appréhendé par le prévôt et ses gens à Vitry-le-Brûlé. Plus loin encore, enfin, sur un dernier panneau qui masquait une porte, on assistait à l'exécution en place de grève du baron de Bouteville qui obtint comme grâce royale d'avoir la tête tranchée tout habillée. On n'oubliait pas non plus les hautes croisées grises, les tableaux hors de proportion, où noircissaient à faire frémir une série de portraits de juges, de présidents à mortier, tous coiffés de perruques qui leur donnaient l'aspect d'autant de lions noirs rugissant sous leurs crinières. Au bout de quelques mois, on se familiarisait avec ces terreurs. Graduellement, j'osais regarder sans effroi le portrait du grand aïeul de la maison, debout dans son cadre d'un pied d'épaisseur, et en costume rouge de juge à la chambre ardente, je lui aurais touché la main. Je serais fâché pour ma reconnaissance de repousser dans les ténèbres du fantastique les figures sévères, mais bienveillantes et bonnes, qui m'ont toujours si noblement accueilli, et que j'espère bien retrouver cet hiver dans les mêmes dispositions pour moi. Dieu veuille que la colérine et les rhumes catarrheux de l'automne n'en aient pas éclairci le nombre. Ces figures portent un caractère admirable de résignation, pour qui sait le chercher sous des rides tracées en 89, élargies sous l'Empire, et que la Restauration n'a pas fermé, les réactions n'ayant jamais réparé les ruines des révolutions. Ce caractère se révèle surtout par des yeux ternes qui ont déteint de bonheur, et fait des grandes tempêtes qui ont soufflé dessus. Voyez le ciel après un orage. Cependant, à conservation égale, je préfère les vieilles femmes aux vieillards, et particulièrement celles qu'aucune infirmité ne gêne, vivaces et noueuses, qui ont vieilli jusqu'aux dernières branches en ployant mais sans rompre. Quel charme de restaurer sous l'huile vive de la pensée ces peintures de l'herculanum monarchique, d'unir patiemment écaille à écaille, comme une mosaïque de Pompéi, cette peau dont le soleil a repris les couleurs, de glisser derrière la glace de l'œil un rayon bleu, de meubler d'ivoire cette bouche autrefois si rieuse et si fière. Mais ne vaut-il pas mieux prendre la vieillesse pour ce qu'elle est? Et qu'elle est belle, la vieillesse de ces femmes qui n'ont plus de sexe, tant elles ont de philosophie pratique, tant elles ont vu et connu, femmes par leur dentelle à point d'Alençon, pendant à leurs poignets, par leur robe de damas où chantent et voltigent des oiseaux de grandeur naturelle, par leurs mains veineuses et frêles, hommes par leur inflexible mémoire, par les passions qu'elles n'ont plus, mais dont elles ont conservé le souvenir pour les combattre à armes égales chez d'autres, sentant et raisonnant, persuasive, confidente, discrète, et de bons conseils pour les jeunes, lorsqu'ils souffrent et se plaignent à elles, à voix basse, leur disant « Vous voulez mourir parce que vous aimez. Nous avons voulu mourir aussi, et vous voyez ?» Elles s'animent et sans amertume pour le passé vers lequel vous les ramenez, et vers lequel elles se laissent doucement conduire, elles semblent ajouter « Vous êtes compris, mon ami. » Et si nous avions encore 18 ans, les confidentes de vos mots en seraient peut-être les réparatrices. La maîtresse de la maison m'eut bientôt mis au courant du personnel peu nombreux, mais choisi, de ses soirées. C'étaient des débris d'anciennes familles, qui n'avaient à se reprocher aucune condescendance, fût-ce la plus faible, pour les séductions de l'Empire, et qui n'avaient demandé à la Restauration que l'innocent privilège de reprendre leurs habitudes. Madame de Hacqueville m'avait permis de me rendre de bonne heure auprès d'elle, afin de me connaître par ordre les personnes qu'elle honorait comme moi de sa maison. Cette complaisance avait deux fins, celle de me prémunir, en m'indiquant plusieurs points dangereux, contre les méprises de la conversation, est celle de m'inspirer du respect et de l'attachement pour des personnes avec lesquelles j'aurais vécu un siècle sans que leur modestie cherchât à m'inspirer d'autres vénérations que celles de leur âge. Un soir, comme d'habitude, je pris place auprès d'elle et en face de la large cheminée dont les flammes éclairaient la plaque du foyer chargée d'un Louis XIII, métamorphosé en Pluton, dieu de l'enfer. Le doigt dirigé vers le cadran de la pendule, elle me marqua, vers le cercle des minutes, l'entrée invariable de chaque familier du salon. « À 9h03, vous allez voir paraître Monsieur de Guémarec, me dit-elle, un descendant de ce magistrat qui, forcé par la volonté de son père et de pédantesques traditions de famille de prendre la robe, pour laquelle il éprouvait un profond éloignement, se promit de juger toujours contre sa conscience. Fidèle à son engagement tacite, il renvoya trois fois d'une accusation qui entraînait la peine capitale trois hommes dont la culpabilité lui était démontrée. Au bout de 6 ans, ces trois hommes furent reconnus véritablement innocents. Monsieur de Guémarec avait donc été juste en violant comme juge sa raison et sa conscience. Le père du jeune magistrat n'insista pas davantage et la charge fut vendue. 9h03. Et Monsieur de Guémarec entra. « À 9h20, nous avancerons le fauteuil, » reprit Madame de Hacqueville, « pour Monsieur le baron de Grignol. »« N'est-ce pas, » interrompis-je, « ce vieillard aux cheveux à peine gris, au regard si pénétrant, dont les manières sont si distinguées ?»« Vous le connaissez, » répondit Madame de Hacqueville. « Je ne pense pas que sa vie ait été signalée par de grands actes d'énergie. Vous vous trompez, peut-être. » Poursuivi pendant la terreur et arrêté pour je ne sais plus quel crime politique, Monsieur le baron de Grignol fut enfermé dans une tour bâtie sur le bord de la Loire. Il gémissait, oublié depuis 1 an, lorsqu'on se souvint un jour de lui. Son sort ne fut plus douteux. Nantes allait bientôt ouvrir son comité de salut public. Le baron serait jugé et exécuté en 2 heures. Son geôlier était un patriote dur. D'ailleurs, sa tâche était d'obéir, d'avoir des verrous, des chiens et non une conscience. Ce geôlier avait, outre ses chiens, une femme et une petite fille belle comme les fleurs qui poussent au pied des tours. M. de Grignol intéressa par sa jeunesse la femme du geôlier et par ses blonds cheveux sa fille qui ne se lassait pas de jouer avec leurs boucles. M. de Grignol avait alors 20 ans. Il n'en paraissait guère que 17. « C'est une demoiselle qu'ils vont tuer demain, » murmurait quelquefois le geôlier en lui portant son pain et son eau. « Pour 2 jours qu'il a à vivre, tu devrais bien, » lui disait sa femme, « de le faire venir avec nous. » Il mangerait du moins encore une fois à table, et il verrait le ciel de cette croisée. On ne voyait pourtant pas très clairement le ciel de la croisée du geôlier, œil de bœuf évasé en meurtrière, mais sans gris ni barreaux. Car dans ces temps de prison improvisée, la captivité pêchait toujours par quelque côté, pas du moins du côté de la clémence des juges. Ce n'était point le cas toutefois de trouver leur prudence en défaut. 30 pieds mesuraient la distance entre le bord de la croisée et le niveau du fleuve, très large et très rapide en cet endroit de la Loire. « Qu'ils viennent !» répondit le geôlier, mu non par la pitié, mais par l'indifférence. Et M. de Grignol descendit du donjon à la geôle. À sa vue, la femme du gardien de la tour éprouva un vif attendrissement, et la meilleure preuve qu'elle voulut lui en donner, ce fut de tirer le petit rideau bleu de la croisée pour lui laisser admirer le ciel et le fleuve, après avoir déposé sur ses bras la petite fille qui aimait tant ses cheveux blonds. M. de Grignol remercia avec effusion, s'approcha de la croisée, regarda le ciel, le fleuve, puis il prit l'enfant et le lança dans la Loire. Le geôlier se précipite sur un couteau, la mère vers l'escalier de la tour. M. de Grignol par la croisée, désespoir, il peut à peine passer. Par une lueur d'intelligence foudroyante, le geôlier comprend que le premier qui tombera dans l'eau sera le sauveur probable de sa fille. Il aide M. de Grignol, il le pousse par la plante des pieds hors de la croisée dans le fleuve. Un instant sur l'eau, une demi-minute sous l'eau, et l'enfant est ramené vivant au bord de la Loire, et sans avoir eu le temps seulement d'être imbibé. Ne demandez pas ce que fit ensuite M. de Grignol. Puisqu'il traverse en ce moment la cour, c'est qu'apparemment, il fut sauvé par son acte d'héroïsme et d'inhumanité. 9h20, M. de Grignol s'avança vers Madame de Hacqueville, lui baisa galamment la main et m'envoya un sourire gracieux du bout de ses doigts chatoyants de diamants. En se penchant à mon oreille, car ses confidences, à mesure que les visiteurs arrivaient, devenaient moins permises, Madame de Hacqueville me dit tout bas « Au tour des dames, maintenant. À 9h35, vous offrirez ce tabouret à Madame Desgrousses. » « Madame Desgrousses n'est-elle pas votre amie intime, celle qui tient constamment sa main droite cachée sous son mouchoir, qui ne joue jamais et offre tout de la main gauche ?»« C'est Madame de Casabianca que vous venez de me dépeindre, et non Madame Desgrousses. » »« Elle est donc étrangère ?»« Non, mais son mari, général d'un corps d'armée sicilien sous la République, portait ce nom très illustre en Italie. Je doute fort que Madame de Casabianca soit noble du côté de sa famille. » Heureusement, notre amitié se lie par des nœuds aussi sacrés que ceux du rang et de la naissance. Grâce à elle et à son mari, excellent militaire dont elle est veuve, nos propriétés de la vallée des Alpes-Maritimes, quoique frappées d'expropriation par la loi, furent épargnées et nous furent rendues plus tard dans l'état de valeur et de prospérité où elles sont aujourd'hui. C'est un cœur plein de nobles qualités, celui de Madame de Casabianca. Je vous conseille de les apprécier. Et pour quel motif cache-t-elle toujours sa main droite, le savez-vous? Je l'ignore et je ne lui ai jamais demandé. Si elle n'a pas prévenu ma curiosité sur ce point, c'est que probablement ma curiosité l'aurait blessée. J'aime mieux conserver une amie que d'apprendre un secret qui pourrait me la faire perdre. Et qui doit bien un peu intéresser, je présume. Vous excuserez mon indiscrétion, répondis-je à Madame de Hacqueville. Mais vous m'avez jusqu'à présent appris tant de faits précieux sur vos amis que j'étais enhardi à vous demander quelque éclaircissement sur une particularité qui m'a frappé. Madame de Hacqueville s'appuya avec bonté sur mon épaule. Elle se levait pour saluer Madame de Casabianca, la dame à la main cachée. Durant les quelques instants que Madame de Hacqueville mit à recevoir et à complimenter Madame de Casabianca, entrèrent par groupes plus nombreux tous les habitués de la réunion. Le silence fut le même. On allongea des tables d'écartés. Les cartes furent jetées et battues sans bruit comme par des ombres qui semblaient jouer à qui passerait d'abord dans la barque de la fable. Tout le monde jouait, excepté Madame de Casabianca et Madame de Hacqueville. La main droite de la première était cachée comme de coutume. La gauche se dessinait sous un gant blanc par des formes qui devaient avoir une grande pureté, au temps où l'on pouvait hasarder la même remarque sur le pied et la taille de Madame de Casabianca. Elle paraissait avoir 50 ans, quoique, en réalité, elle passa de beaucoup cet âge. Mais une constitution naturellement forte, une vie aventureuse avec un mari, soldat sous la République et pendant les premières guerres de l'Empire, avait trempé, pour ainsi dire, les traits de Madame de Casabianca. Il y a des générations de femmes, comme des générations d'hommes, plus énergiques selon les temps. Sous l'Empire, les femmes qui, derrière les caissons, les tambours et les drapeaux, suivaient l'armée, la grande armée, se coloraient d'une teinte militaire fort originale. Sans perdre de leur grâce, elles gagnaient beaucoup, à leur retour, à se prodiguer dans les salons, où, sans citer précisément les coups de sabre qu'elles avaient donnés, elles charmaient l'attention en causant hulan et mamelouk, en dépeignant les belles moustaches des uns, les riches cachemires des autres. Sous leurs broderies, leurs soies, leurs chevelures flottantes et un peu bronzées par le soleil, quelque chose de femme et de militaire à la fois se trahissait en elles. Debout, elle semblait à l'alignement. Assise, elle paraissait posée en amazone au bord de la selle du cheval. Elles étaient les cravates des drapeaux portés par leur mari victorieux. Madame de Casabianca n'avait conservé de cette fierté martiale qu'une tenue exacte, relevée par un costume de la blancheur la plus sévère. La soirée s'avançait dans la nuit. Allongée par les heures, les mèches des bougies montaient, rouges et en champignons vers le plafond. Ces portraits de famille qui, sous une demi-clarté favorable à toutes les crédulités de l'imagination, semblaient vouloir descendre les escaliers sombres et dorés de leur niche pour s'asseoir parmi les joueurs. L'illusion contraire qui prêtait un cadre à ces vivants, immobiles comme des portraits, et flottant dans la vapeur de cette immense salle que tout le bois empilé dans la cheminée ne réchauffait pas, ces vieillards, qui, vivants ou morts, passaient par tous les degrés de la décoloration à mesure que l'heure du sommeil les touchait au front, ces tapisseries qui s'animaient et marchaient quand une ombre ondulatoire glissait sur elles et devenait, pour ainsi dire, la couleur d'un dessin rongé jusqu'au fil, et si bien et si vraisemblablement que le sieur de Bouteville tirait avec une effrayante vérité sa rapière au milieu de la place royale et montait plus loin sur l'échafaud en grève tout habillé. Une nuit froide, au dehors, tempétueuse, tout remplissait l'âme de silence et de tristesse. « Assez joué, » dit un vieux marquis en repoussant les cartes. Voilà une dame qui s'ennuie de nous entendre causer si peu, ce n'est guère galant. » Depuis quelques quarts d'heure, en effet, les dames quittaient une à une la partie pour se rapprocher du feu et tenir compagnie à mesdames de Hacqueville et de Casabianca. « Racontez-nous, président de Page, une histoire du temps passé. »« De ma jeunesse ?» veut dire madame de Hacqueville. « Président, je ne demande jamais un service, l'épigramme à la bouche. »« De ma jeunesse, mais de laquelle encore ?»« J'ai eu ma jeunesse de président au Parlement, ma jeunesse d'émigré, ma jeunesse de soldat de l'armée, de monseigneur le prince de Condé. Voilà trois jeunesses. Dites-nous la meilleure. Ce sera la première. » Le président poussa un soupir. Tous ceux qui avaient été jeunes exhalèrent aussi un soupir. Je crus entendre soupirer les tableaux. Ma première jeunesse me vit président au Parlement. C'était en 88. J'avais 20 ans. Vous connaissez ma famille. Son rang me donnait droit à cette éminente charge. Aux yeux du peuple et des philosophes, mes opinions tolérantes, mon déisme, mon admiration sensée ou non pour les encyclopédistes, me rendaient digne, disait-on, de distribuer la justice aux hommes, en attendant le jour où les hommes s'en passeraient, devenus tous tolérants, déistes et encyclopédistes. Quelques sourires malicieux se croisèrent à ces paroles railleuses de M. Depage, lancées en fuyant contre les encyclopédistes, dont M. le Président avait été le plus ardent propagateur. Du reste, il l'avait avoué. Mes opinions philosophiques, mes liaisons étroites et publiques avec les niveleurs, m'imposaient l'obligation, sous peine d'être taxé par eux d'un zèle hypocrite, et tel n'était pas le mien, d'agir sur les masses en proportion de mon influence et de ma position élevée. Tous devaient mettre la main à l'œuvre de la réformation. Placé au sommet de la société, ma tâche fut d'adoucir la rigueur des lois dont je commandais l'application. Nos lois, vous le savez, horribles mêlées de textes ennemis, confusion de coutumes contradictoires et se terminant toutes par le même mot, la mort. Madame de Hacqueville sonna doucement pour qu'on apportât du bois et qu'on fît chauffer de l'eau pour le thé. Je fus donc chargé d'être indulgent quand la loi était sévère, d'en ignorer le texte sanglant quand il rougissait sous mes yeux. Comme homme, de me mettre à la place du juge. Comme juge, de chasser le bourreau. Sans orgueil de ma part, il m'était permis de croire qu'entre toutes les missions de la philosophie nouvelle, j'avais la plus directe et la plus expressive. Car où tendaient toutes les théories à détruire les préjugés? En quoi se résumaient fatalement, comme fait, ces préjugés? Dans la mort. Moi, j'avais pour mission de l'anéantir dans la loi. Malheureusement, ma volonté seule ne suffisait pas. Sur 12 juges, je n'avais moi, 13e, comme président, que ma voix isolée. Ma voix forcée de prononcer en public les arrêts qu'elle avait combattus dans la délibération. Haï bientôt à la cour pour ma tolérance, suspect à mes confrères, tous routiniers sanguinaires, mon dévouement fut nul. Quelques-uns même, par esprit de corps, se montrèrent plus sévères qu'auparavant envers les accusés, et mon rôle leur étant devenu à charge, ils le réduisirent à être plus odieux à mesure que je penchais à le rendre plus humain. Voici comment ils y parvinrent. Les moins âgés de nous, nous n'avons plus d'amour-propre sur l'âge, n'est-ce pas? Les moins âgés de nous ont vécu du temps où la question judiciaire n'était pas encore abolie. La question judiciaire, qui cassait un doigt pour un demi-aveu, un bras pour 3/4 d'aveu, une cuisse pour un aveu entier, et qui, avant de savoir tout, vous avait broyé la tête d'un coup de barre de fer ou crevé la poitrine en l'emplissant d'eau. En 88 donc, la question ou la torture existait encore. Calculé, cela ne fait pas 45 ans. Nous avions les uns 10 ans, les autres 15. J'en avais 20. 88 doit être si rapproché pour nous que je me souviens de quelques événements antérieurs au moins de 6 ans. Ainsi, par exemple, 5 ans avant 88, époque sur laquelle je vais rappeler votre attention, en 83, je me souviens fort bien de Françoise, ma sœur de lait, qui, sa mère, ma bonne nourrice, étant morte, vint à pied de Montereau à Paris à travers 20 lieues de neige. Enhardie par la misère, par le désespoir, et peut-être par le lien commun du même lait que nous avions puisé au sein de sa mère, Françoise m'attendit sur l'escalier de la Sorbonne, institution où j'achevais mes études de droit, et lorsque je sortis au milieu des élèves, mes camarades, fils des plus hautes familles de robe, elle s'enlaça mon cou et m'appela son frère. Je fus pour elle un frère. Accueilli chez moi, je lui fis une condition heureuse entre une domesticité douce et des attentions sans contrainte pour son éducation que j'allais reformer. Ce petit épisode de ma première jeunesse vous assure avec quelle fidélité ma mémoire garde le souvenir des événements qui la suivirent, et particulièrement de celui sur lequel je vous ramène. Mes ennemis au Parlement, à propos de je ne sais plus quel procès en matière de fausse monnaie, imaginèrent, pour abattre mon orgueil de tolérance et me faire passer au dehors pour aussi redoutable qu'eux, de ressusciter, et ils en avaient le droit, l'application de la torture. La discipline me bâillonnait. Je ne pouvais protester ni par mes actes, ni par mes paroles, ni par mes écrits contre cet infâme attentat à l'humanité. Il y a plus, ma bouche fut obligée de proclamer solennellement l'emploi de la torture dans les procès que dirigeait ma présidence. Ma réputation d'homme sage, de magistrat vertueux, fut perdue. Le peuple me confondit avec mes odieux confrères, et ceux-ci s'applaudirent de m'avoir presque aussi avili qu'eux dans l'opinion. Les philosophes me méprisèrent, dans l'âme je les remerciai. Ce ne fut pas le soufflet public que j'avais reçu sur la joue qui me blessa le plus. Ce fut l'affreuse idée d'avoir fait revivre, par une mesure de vengeance dont j'étais la cause, la torture qui brise les os, déchire les chairs, boit le sang et renvoie innocent de l'accusation. Je fis écrire sous main des mémoires pleins de larmes, de paroles chaudes et vraies, et senties, car j'étais celui qui condamnait à la question. Je fis présenter au roi Louis XVI des placets où je ne déguisais pas même mon écriture. Rien n'eut un résultat. Aucun nom ne recommandait ces protestations. Le peuple les lisait avec avidité, mais la cour les brûlait. On torturait en attendant. À cette époque, je fus volé. Madame de Hacqueville sonna de nouveau pour que la bonne servileté éranima le feu. Très curieuse, la vieille bonne, après avoir méthodiquement rempli son office, s'accroupit près de la cheminée. Elle aussi voulut écouter. À cette époque, je fus volé, reprit M. Depage, et je portai ma plainte au procureur général, mon confrère. Le vol consistait en une tabatière en diamant de la valeur de 20 000 livres, et j'y tenais d'autant plus qu'elle venait de la succession de mon père. Le procureur général alla aux enquêtes. Il fallut lui livrer ma maison et ses moindres recoins. Cette condescendance était rigoureusement nécessaire si je voulais charger la justice de mon affaire. La tabatière en diamant fut retrouvée. Un des gens de la cour la découvrit dans la paillasse du lit de Françoise, ma sœur de lait. Il se fit alors un mouvement général dans le salon de Madame de Hacqueville. Le président de Page laissa mollement tomber sa main de son jabot sur le côté. Ce récit lui coûtait. « Françoise, ma jolie sœur de lait, la fraîche paysanne de Montreau, celle qui était venue se jeter à mon cou par la neige et le givre, sur les escaliers de la Sorbonne. Françoise, à la peau encore duvetée de la campagne, mais déjà un peu lisse par la retraite et l'heureuse vie, Françoise. » Le marquis aspira une prise de tabac, mais je vis tomber le tabac à terre. On la traîna devant les juges. Je voulus me récuser. On m'imposa le devoir de présider. On se reposa par ironie sur mon impartialité naturelle. Mes ennemis se réjouirent, et le peuple menaça de me lapider quand il sut que j'avais ordonné. Ici, M. Depage se tut. Je n'entendis plus que le feu qui pétillait, que les oscillations de la pendule. Les portraits étaient plus bruyants que les hommes dans ce moment. M. Depage reprit haleine. Que j'avais ordonné la question, car Françoise nia d'abord tout. Le vol, les circonstances du vol, en me rappelant toujours Montereau, sa mère, la neige, la Sorbonne, notre fraternité. J'avais ordonné la question. Françoise fut dépouillée de sa robe. Oh, comme crie une jeune fille qu'on met nue devant des juges. Dieu épargne ce cri à vos arrière-petits-fils. On lui remplit le ventre d'eau. Françoise cria moins. Mais Françoise me regarda. J'ai reçu, messieurs, un coup d'épée dans ma vie, qui m'a traversé le foie. J'ai moins souffert. On lui broya le genou dans une genouillère de plomb. Françoise cria moins. À cet endroit du récit du président, la bonne de Madame d'Hacqueville tomba sur le parquet et frappa du front contre les chenets. M. Depage courut vers elle, lui rejeta la tête en arrière, et après l'avoir examinée avec terreur, il s'écria. Françoise était blonde, puis elle est morte. On lui mit du feu au creux de l'estomac. Françoise ne cria pas. Messieurs, Françoise était innocente. Je le savais, c'est moi qui avais caché la tabatière en diamant dans le lit pour faire juger, condamner et mourir Françoise. Toutes les femmes se voilèrent le visage. Si j'avais eu un couteau, je l'aurais planté tout droit dans l'estomac du vieux président. Mais le président ferma les yeux, se recueillit un instant et dit « On lui brisa la main droite, tous les doigts, toutes les phalanges, comme ça. » Le président fit un geste, mes nerfs craquèrent. « Et ma vue, continua le président, se perdit dans un nuage de sang. » François s'était évanoui en avouant le vol. Oui, elle l'avait avoué, mais ajoutant que j'étais son frère de lait, qu'elle était venue de Montereau à Paris, à travers la neige, pour m'embrasser sur les escaliers de la Sorbonne. Le président achevait à peine sa phrase agonisante que je vis se lever d'à côté de Madame de Hacqueville, comme un fantôme, une femme qui, retirant avec gêne et douleur son gant, laissa pendre, hors de ce gant, une main flottante, brisée et molle, qu'elle posa sur la tête de M. Depage. Écrasé, le vieillard leva les yeux avec épouvante sous cette main qui planait. Les autres vieillards étaient pâles. Je me regardais dans la glace. Je l'étais plus qu'eux. J'étais vert. Des larmes, des sanglots sortaient de la bouche de ces deux ruines, l'une brisée par l'autre. Et M. Depage prit cette main, la porta sur ses lèvres, la baisa comme l'hostie sainte au moment de mourir, et il fut pardonné comme au moment de mourir. Car Madame de Casabianca passa le seul bras qu'elle avait de libre autour du cou de M. Depage. Et l'on eût dit alors la prière, qui est une femme mutilée dans le ciel, enlevant le repentir, qui est un ange sur la terre. Le soir, il y avait bal à la cour, acheva le président. J'y parus en costume de juge, en robe rouge, portant la condamnation à mort de Françoise. Portant un genou à terre, je dis au roi Louis XVI « Sire, on a brisé les os cet après-midi à ma sœur de lait accusée de vol. C'est moi qui l'ai accusée. Elle a tout avoué dans les tortures, sire. »« Eh bien, » dit le roi, « sire, j'avais inventé ce vol. » Le roi recula de terreur. « Et pourquoi cela, monsieur ?»« Parce que je voulais prouver à la France qu'avec la torture, le mensonge le plus affreux était cru et que la vérité la plus sainte était assassinée. Sire, c'est la jeune fille que j'aimais le plus au monde que j'ai sacrifiée à cette épreuve. On croira désormais à mon opinion. »« Messieurs, que le bal continue, » dit le roi Louis XVI, et se tournant vers son chancelier, « Monsieur, dès ce soir, la question est abolie en France. Faites savoir cela à notre royaume. » Ainsi s'achève La main cachée de Léon Gozlan.